Salut, vous êtes bien sur le 89.5. On est le lundi 28 novembre 2016. Il est 13h et vous écoutez Joie, Rage et Courage. Une petite heure de son interview de montage pour parler d'un sujet qui nous fout la patate et qui nous interroge sur nos luttes au quotidien. Aujourd'hui, on va commencer un cycle qui va faire plusieurs émissions. C'est sur les luttes locales qui sont liées et interconnectées et comment on peut les développer. Pour cette émission de novembre, du coup, on va aller du côté du Pila, dans un petit village appelé Saint-Julien Molamolette. Sur place, depuis quelque temps, il y a une lutte contre une carrière, et notamment qui rentre dans une nouvelle dimension avec l'élargissement de l'espace dédié à la carrière. Et du coup, on va discuter de ça avec deux personnes qu'on a rencontrées, qu'on a interviewées, et puis on va mettre ça en perspective avec d'autres luttes et avec une revue qui s'appelle Noon Attack. On va commencer avec une petite intro sur la lutte contre la carrière, c'est pas sorcier. Alors Jamy, t'as vu ça? J'ai cassé la montagne en deux. Mon bloc de 6000 tonnes s'est avancé de 70 cm. Et puis tu peux regarder, c'est coupé net, hein. Il n'y a pas de bavure. Oh non, ça recommence. Pff, oh. Oh Jamy, le petit joueur, hein. Moi, c'est un bloc de 6000 tonnes que je vais faire sauter. Regarde. Et c'est ce qui s'appelle mettre le feu aux poudres. Non mais c'est pas bientôt fini ce bazar! On s'entend plus! C'est vrai ça! On va finir par se mettre en pétard! À Saint-Julien, pour la molette, on casse les cailloux sur nos têtes. On sursaute à chaque explosion et on subit les gros camions. Cette carrière, on peut en finir, mais je l'entends. Et voilà, c'était la chorale des Glottes Rebelles, une chorale de Saint-Julien-Molamolette, qui, avec cette reprise, fait un peu un état des lieux de la lutte là-bas contre la carrière de Demonico Dorel. On a fait une petite rencontre avec deux personnes de Saint-Julien-Molamolette qui sont impliquées dans le collectif de lutte là-bas, et du coup on a passé un peu de temps ensemble, et au coin du feu on a discuté de la lutte. Du coup l'interview est coupée en deux parties. Il y a une première partie plus consacrée à la présentation de la situation du village et de la lutte, et puis après on passera une deuxième partie sur plus son élargissement possible. Donc voilà, on va passer la première partie, c'est parti. Moi, ça fait 4 ans que je suis là, donc je suis Claire, j'habite au nord du village, au Taillis Vert. C'est le nord du village. Et je suis arrivée là parce que j'avais très envie de vivre à la campagne dans un lieu collectif, notamment dans le Pila. Et un jour, on m'a parlé du Taillis Vert, je me suis pointée, il y avait de la place, et voilà. Et donc, c'était un petit peu un lieu collectif il y a 4 ans, et puis ça l'est beaucoup moins maintenant, mais c'est pas grave, j'y trouve mon compte quand même. Moi, je m'appelle Alex, j'habite ici depuis bientôt 10 ans. J'ai habité dans le lieu où habite Claire maintenant. Et moi, je suis venu ici pour faire de l'apiculture, c'était mon petit projet au départ, plus vivre une aventure collective avec des potes. Et voilà, ça résume. Et est-ce que vous pouvez décrire ce que c'est Saint-Julien-Molamolette, pour ceux qui ne connaissent pas? Tu commences. Alors en fait, c'est un village qui est à 3/4 d'heure de Saint-Thé dans les monts du Pila. Et ce qu'il a comme caractéristique, ce village, c'est qu'il a plein d'usines. Il en a... je dis 12 ou 18. Bon, 14 usines. Et donc des anciennes usines de filature, ce qui fait qu'il y a plein de grands bâtiments qui ont été réappropriés depuis les années 80 par des bandes d'urbaines ou de néo-ruraux, notamment des artistes, parce que ça fait des grands espaces pour créer, pour faire des ateliers. À la base, c'était plutôt des chorales, des chanteuses qui étaient venues. Et les bâtiments étaient vraiment pas chers, et ça fait que le village a été un peu repeuplé par une nouvelle population d'utilisateurs d'usines. Mais il y a encore toute une population locale qui vit ici et qui migre pas trop, j'ai l'impression. Enfin, il y a encore suffisamment. Vu qu'on a la chance d'être pas loin de la vallée du Rhône, de Saint-Thé, de Lyon, il y a Annonay qui est pas loin, et puis il y a un peu de taf dans le coin, il y a des usines à Annonay, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse désertification. Il y a encore des usines en fonctionnement ? Ici ? Ouais. Pas de filature. La dernière, elle a arrêté de tourner en 2006. Je l'ai ratée de quelques mois, en fait. Moi, je suis arrivé en début 2007. Et ça s'est retrouvé tout doucement en voie d'extinction, l'activité industrielle à Saint-Julien. Et ça permet de rebondir sur ce truc de maintenant nouveau village art et nature. C'est un peu comme ça que c'est vendu sur les plaquettes. Voilà, Saint-Julien, ça renvoie un peu cette vitrine culturelle, associative, artistique assez forte, quoi. Et du coup, après ou post-industriel, quoi. Du coup, assis sur le patrimoine, là où on est, quoi, les usines qui font un peu rêver les artistes. Et là, du coup, le village, il revendique un peu ce truc-là. Et du coup, la carrière, c'est une usine sur la commune du village, mais elle pose une grosse polémique, justement, à cause de toutes les nuisances que ça peut engendrer, quoi. Mmh. Il y a combien d'habitants à Saint-Julien ? 1200. 1200. Et vu que c'est de la radio... Ouais. Par exemple, si on regarde par la fenêtre, est-ce que vous pouvez décrire ce qu'on voit grossièrement Là, on arrive à voir un bout de la carrière, de la façade, quand on se met ici, là, de l'ancienne face qui a été abandonnée et qui a été en tentative de revégétalisation, ce qui ne marche pas vraiment. On voit encore bien nettement les banquettes, les bancelles de toute cette face toute travaillée, là. Après, si on change de fenêtre, on a une vue sur les usines qui sont aussi en hauteur sur le au-dessus du village, à côté du cimetière, tout ça. Et encore une autre usine à côté. Voilà. Et l'ancienne maison des patrons. La grande maison... Ah oui, les Blancs, la maison des Blancs. Ouais. C'est dans le village, ouais, il y a un peu une alternative de petite maison ouvrière, usine et grosse maison bourgeoise. Ok. Parce que ça a duré plus de 100 ans, les usines, tout ça. Ouais. Et ça, c'est dans c'est un peu encaissé, quoi. C'est un vallon. On a combien de mètres d'altitude ici? On a 650. 650, ok. Et Annonay, etc., c'est à combien de bandes? Annonay, c'est à 20 minutes en voiture, c'est à 15 km. Et la vallée du Rhône, c'est à 15 minutes en voiture. Tu as parlé un peu de la carrière. La carrière, c'est une usine en fonctionnement. Elle est où, à peu près dans le village? Et elle fonctionne depuis combien de temps? Et puis... Elle est située à côté du Taillis Vert, c'est le collectif là, juste au-dessus. Donc ça veut dire un petit peu au nord-ouest du centre du village. On passe devant quand on prend la route de Saint-Thé. Quand on arrive de Saint-Thé, quand on va à Saint-Just, on passe devant. Et on voit bien l'ampleur de l'emprise du projet actuel. Et sinon, elle tourne depuis... 83. Mais est-ce qu'on parle de la partie déjà rachetée par Delmonico Dorel ou Delmonico ou Dorel, je sais plus. Moi je crois que le rachat de l'usine, c'est de la carrière par Delmonico Dorel, c'est 83. C'est ça. Mais il y avait déjà une carrière avant, du temps des usines, tout ça. On a lu des textes de gens qui écrivaient quand ils étaient petits, donc des personnes qui ont aujourd'hui 60, 70 ans. Quand ils étaient petits, il y avait déjà un camion qui passait au village, mais un camion par jour. Mmh. Parce qu'il y avait une extraction de cette pierre-là qui servait à faire des routes ou à construire des maisons, mais c'était vraiment la petite forme, quoi. C'est quoi qui est extrait, du coup, des carrières? Donc c'est du granit bleu. Enfin, c'est l'argument d'extension de cette carrière, c'est de dire qu'il y a un gros filon de granit bleu qui est une roche très dure et qui permet de faire des ouvrages d'art, des ponts et des routes de bonne qualité. Mais en fait, ils extraient pas que ça du tout, puisqu'ils extraient de la terre végétale, avant d'arriver à la terre, à la roche, ils extraient plein d'autres choses, quoi. Et du coup, alors, cette carrière, elle appartient à qui? Et elle a toujours appartenu est-ce que c'est une usine qui a été transmise, rachetée? Comment ça se passe, un peu son historique? De ce que je sais, c'est Monsieur Delmonico et Monsieur Dorel qui se sont associés pour reprendre cette carrière. Donc eux, ils se définissent comme une entreprise familiale. Mais il faut savoir que depuis, ils ont quand même vraiment. Ils se sont hyper agrandis et c'est maintenant une entreprise transsectorielle, on va dire. Ils font autant de l'extraction que du transport et de la commercialisation. Donc c'est eux qui possèdent aussi les magasins Gédimat, qui sont les magasins de matériaux, bricolage. Il y en a un peu partout dans la vallée. Donc en fait, cette entreprise, elle s'étend vraiment de la vallée du Rhône. Enfin, il y a des magasins Gédimat un peu partout autour. Voilà. Et donc maintenant, ils continuent à se définir comme entreprise familiale. Et les salariés jouent aussi vachement sur cet argument. Alors qu'en fait, c'est vraiment une grosse boîte, quoi. Mmh. Bon, après, familiale, c'est peut-être l'ambiance, je sais pas. Et à la carrière, il y a combien de personnes qui bossent sur la carrière? Sans compter après les sur la carrière, ouais. Même, il y a 16 personnes. Ouais. Et qui habitantes du village, il y en a 3. D'accord. Okay. Après, il y a tout ce que ça engendre en termes de bassin économique, c'est-à-dire les camions, et puis toutes les personnes qui ont besoin du matériau. Ça a l'air de concerner plein de petites entreprises du coin, quand même. Ouais. Et la carrière, du coup, elle représente genre quelle superficie du coup, si elle a commencé en 83, s'il creuse toujours depuis 83, ça doit faire un petit trou, quand même. Ah oui, initialement, donc, quand Delmonico et Dorel ont racheté en 83, ça tenait sur 6 hectares d'exploitation. Maintenant, avec deux renouvellements d'extension, ils ont fini par avoir 11 hectares. Et là, ce qu'ils demandent maintenant, c'est... plus 7, donc 18 hectares en total. Ok. Et du coup, en fait, sur Saint-Julien, Molin-Molette, il y a une lutte par rapport à cette carrière. Cette lutte sur la carrière, elle date de quand et elle porte sur quoi exactement ? Alors en fait, elle a commencé en 95 avec la création d'une association qui s'appelait Bien Vivre à Saint-Julien-Molamolette. Cette association s'est beaucoup battue sur l'extension de 2005. En fait, ça a été jusqu'au tribunal, donc voilà, ils ont été au tribunal administratif pour essayer d'empêcher cette extension, qui a été rebootée sur la forme, ce qui fait que l'extension a pu avoir lieu, mais le Carrier s'était engagé en collaboration avec le parc régional du Pilat à s'arrêter en 2020 et à tout revégétaliser. D'accord, parce que là on est dans le parc naturel du Pilat. Ouais. On oublie de le dire. Parce que du coup ça implique une sorte de conduite pour toutes les communes, les projets, tout ça. Il y a une sorte de charte du parc qui empêche qu'on fasse un peu n'importe quoi dans les espaces qu'on essaye de protéger un petit peu. Mmh. Il y a deux espaces Natura 2000, pas loin en plus de la carrière. Mmh. Et c'est vraiment compliqué d'un point de vue politique pour des gens qui sont donc dans un parc à essayer de proposer des règles pour que ça fonctionne dans le sens de préserver l'environnement et de laisser passer en vrai des extensions de carrière qui sont destructrices de terres forestières, de terres agricoles, de parties naturelles un peu précieuses quand même maintenant. Quoi. Et voilà, et ça énerve les gens, je crois. Et du coup, l'association elle s'est créée en 95, elle a porté ça aux tribunaux, etc. Et du coup là, il y a récemment là, il y a, je pense que c'est les propos, c'est surtout sur l'extension du PIG. Alors en fait, processus. En fait, ce qui se passe, c'est que là, le POS, donc le plan d'occupation des sols, comme dans plein de communes, doit être transformé en PLU, donc en plan local d'urbanisme. Et à l'occasion de cette transformation, le Carrier a envoyé une lettre à la mairie en demandant à ce que la mairie transforme les terres qu'elle a achetées là, pour l'extension, en terres à Carrier. C'est-à-dire qu'il y a des nomenclatures et que pour l'instant ces terres sont des terres de forêt et terres agricoles. Et voilà, donc ils ont fait la demande de transformer ça en terre à Carrier. Et c'est à partir de ce moment-là que le collectif s'est monté. À la suite de l'association, on n'a pas voulu se remettre en association, on a voulu un truc plus ouvert et plus flexible. Et donc le collectif s'est monté en avril 2014 suite à ce courrier-là. D'accord. Et donc l'histoire du PIG, c'est vraiment tout nouveau, ça c'est depuis cet été, donc c'est 2 ans après le début du collectif. Et en fait, c'est l'intervention du préfet de la Loire qui, comme il voit qu'il n'y a pas de transformation de la nomenclature dans le PLU, puisque la mairie ne le fait pas, et ben, il pose cette demande de compatibilité au projet d'intérêt général. Et donc, c'est sa demande à lui en tant que préfet. Est-ce que du coup, la mairie, elle ne veut pas l'extension de la carrière ? La mairie n'a jamais été hyper claire parce qu'on a une municipalité qui ne communique pas beaucoup et puis surtout qui dit oui aux gens, à certains, et non à d'autres sur le même sujet. Mmh. Et on a quand même réussi, à force de d'action et de demandes de courrier, de demandes de rendez-vous, à les faire voter. Donc, ils ont voté en juillet cette année. Ils étaient majoritairement contre la demande du préfet de faire un projet d'intérêt général. Donc ça on peut s'appuyer là-dessus maintenant, de dire que la mairie s'est positionnée. D'accord. Mais on n'est pas très au clair, notamment sur la position du maire. Oui, parce que c'est quand même obscur un peu toutes ces histoires. Quand on remonte dans le temps, dans la lutte précédente avec l'association Bien Vivre, il y a eu aussi cette pour le renouvellement de l'extension, pour une demande d'extension. Il y a eu un premier vote au conseil municipal qui a été du coup défavorable au projet d'extension. Et un mois après, au prochain conseil municipal, il y a eu un petit travail qui a été fait en interne. Mmh. Et tout le monde a voté oui, pour le coup. D'accord. Donc ça, c'est aussi un truc qui illustre bien. Moi, j'aime bien qu'on parle de système un peu mafieux quand même. C'est une carrière, ça me fait penser un peu à tout ce qui se passe en Italie au niveau des décharges. Où les gens se permettent d'aller enfouir n'importe quelle merde dans des endroits naturels. Voilà, tous ces trucs-là sont passés un peu en force, quoi. Et là, en fait, on peut facilement faire une comparaison avec ça. on a en face de nous un peu un système un peu mafieux. J'ai pas peur de dire ce truc-là, hein, vraiment. Parce que du coup, ça achète le silence d'un maire. Le silence, il est très stratégique dans une sorte de protocole, de rapport de force avec la préfecture et avec des gens du village qui seraient des opposants, qui mettraient un peu la pression au maire. Et du coup, le jeu du maire, c'est de dire oui, oui, oui, ou non, non, non, un peu à tout le monde, et à se perdre là-dedans, et à créer un flou comme ça, vraiment pratique, quoi. Mais est-ce que du coup, dans le village, quand même, ça en parle, quoi. Ah, c'est quand même... C'est un des sujets qui clive, enfin, qui sépare le village en deux, un peu. Avec y a les pour la carrière et les contre, avec des stratégies différentes, mais ça a ses petites répercussions sur la vie du village. Moi, je sais qu'il y a des gens avec qui je parlais au bar avant, et depuis que j'ai tenu des tables de presse sur le marché, on se dit plus bonjour, par exemple. Enfin, c'est des petites. Par exemple, sur la carrière, les incidents sur le village, parce qu'on peut pas passer à côté, c'est à l'entrée du village, il y a tu parlais tout à l'heure d'explosion. Apparemment avant de poussière, enfin c'est quelque chose qui est les camions. Tout le monde est au courant et tout le monde est au courant des incidences que ça a, en fait. Ouais, après il y en a que ça dérange pas. Enfin, il y en a qui considèrent que avoir une entreprise même bruyante, c'est pas un problème, du moins. Enfin après c'est tous les arguments de l'emploi et de tout ça, quoi. Et les villages autour de la carrière, comment c'est perçu, comment c'est vécu, c'est quoi la vision du truc? Alors un des soucis de notre petite lutte de collectif, un truc qu'on n'a pas vraiment réussi à faire, c'est mobiliser les villages alentours. Ce qui fait que le principal village concerné par la carrière, c'est Colombier, et on n'a aucun retour de... Qui est village au-dessus de la carrière. Mais qui a vraiment une vue plongeante sur la carrière, qui prend de plein de fouet toutes les nuisances, les mêmes que nous en fait. Les camions, les explosions, on a tous les mêmes nuisances, mais il n'y a absolument aucun retour de personnes. Dans la contestation. Ouais, voilà, de contestataires. Voilà. Et du coup, comment la lutte elle est constituée en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau des actions possibles, des mobilisations, et aussi de l'argumentaire, quoi. Comment est-ce construit? Je pense que on a beaucoup fonctionné en très local, c'est-à-dire qu'en 2 ans, on a surtout fait beaucoup d'informations sur le village. On a écrit un magazine, enfin des personnes du collectif ont écrit un magazine avec plein d'informations, plein d'arguments pour expliquer à tout le monde pourquoi il faudrait pas que ça s'étende. Qui sort régulièrement? Qui sort, il y en a eu 7 en 2 ans. Ça s'appelle le Petit Rayon Mag. Et après, des actions, c'est vraiment tout nouveau qu'il y a des actions dans le village, donc des occupations de la place de la mairie, des pique-niques, un rassemblement à la préfecture de Saint-Étienne, mais jusque-là c'était plutôt de l'information. Ouais, c'est le début de la lutte, je trouve. Le Pirayon Mag, là, il est distribué dans toutes les boîtes aux lettres du village, par exemple. C'est une façon vraiment massive de communiquer sur un argumentaire pour dire voilà, il y a un groupe d'opposants, d'opposantes qui s'est mis en marche, venez nous rejoindre en fait. Et avec une pétition, pareil, qui a été vraiment hyper soutenue par... du coup, elle recueille, je pense, près de 800 signatures. Ça va au-delà du village, hein. C'est beaucoup plus large. Mais on rigole parce que quand le Carrier, il annonce que dans un reportage de France Culture, de France Bleu, je sais pas quoi, là, c'était 256 signatures pour leur pétition et 800 presque pour la nôtre. Donc on n'est pas, je trouve, dans le même niveau d'application dans ce truc de mobilisation. Et moi j'aime bien, je peux reprendre un peu la chronologie, il y a eu vachement à l'annonce en fait du passage en force un peu par le préfet. Ça tombait autour de la fête de la musique, tout petit peu avant. Fin juin dernier. Ouais. Et on a organisé la municipalité, qui n'était pas encore bien claire sur quelle position elle allait prendre avec. Il n'y avait pas encore eu de vote. Des élus face à cette histoire de projet d'intérêt général. Et ils nous laissent l'autorisation en fait d'organiser la fête de la musique dans le village. Et ils n'ont pas bien aimé, je crois, ce truc de... On a transformé la fête de la musique en meeting politique où on a vraiment... c'était chouette, on a du coup invité plein d'artistes qui font de la musique donc dans le village, qui sont des gens du village, quoi. Qui, et avec une énorme table de presse qui résume un petit peu tout, des prises de parole entre chaque groupe et des banderoles un peu partout dans le village. Voilà. Et des panneaux à vendre, parce que ça a été, pendant tout un moment, c'était l'idée de... Un des arguments principaux au début du collectif, c'était quand même la perte de valeur immobilière des maisons. Donc il y avait l'idée de mettre, et puis la mort du village, de manière générale, de ses activités par la perte de ses habitants. Mmh. Et donc il y avait l'idée de mettre des panneaux à vendre sur toutes les maisons pour que quand les gens traversent le village, ils aient l'impression de traverser le Far West, quoi, le fin fond du Western où tout est à vendre, un peu comme le fin fond de la Creuse. Mmh. Et là c'était assez marrant, la façon de se réapproprier l'espace public dans le village. Ils ont fait cette petite erreur là, la mairie de nous laisser en gros la liberté d'organiser cette fête de la musique, parce que derrière ils nous le reprochaient en disant bon bah le 14 juillet il n'y a pas intérêt que vous refassiez la même chose quoi, parce que ça va pas être possible. Et je trouve que ça a été une première façon d'amener un petit rapport de force. Bah ouais, la fête de la musique, on était 300 personnes quoi. Et il n'y a jamais eu une fête de la musique dans le village avec 300 personnes, et ça fait un peu cet effet waouh, il y a du monde derrière quoi. Et tout de suite après, il y a eu une sorte de pique-nique collectif pendant un conseil municipal sous les fenêtres de la salle de réunion. Et voilà, c'était un peu une micro-manif pique-nique de fin de journée en été, là, c'était vraiment sympa. Et pareil, ça a montré, il y avait peut-être plus de 100 personnes, 150 personnes à cet endroit-là. Et voilà, ça montre une vraie force locale de mobilisation en pleine semaine, comme ça, un peu... voilà. Et ce qu'on se dit, c'est qu'on va chercher aussi à élargir encore un peu plus ce champ de mobilisation pour aller faire des manifs de plus en plus fortes, quoi, je dirais. Ouais. Est-ce que du coup, leur calendrier, eux, c'est quoi en fait, les dates et les... Le PLU, il doit être signé pour février. D'accord. Donc là, la commission d'enquête, enfin l'enquête publique, donc est... le passage obligé dans le processus du PLU, elle s'est terminée le 28 octobre, et donc le commissaire enquêteur va rendre son avis, et à partir de là, le préfet va maintenir ou pas son projet d'intérêt général. Donc on n'est pas très, on n'est pas naïf, on sait très bien qu'il va continuer, malgré le... on ne sait pas ce que va répondre l'enquêteur. Mais... Donc après, les suites de... Ce qu'envisage le collectif pour la suite, pour l'instant, c'est peut-être aller au tribunal, donc c'est chercher des solutions pour aller au tribunal administratif. Et puis, je pense que là, en fait, on est passé quand même d'arguments vraiment perso, ma petite maison, ma petite rue, à un truc un peu plus global où c'est pas encore clair que c'est une ZAD, ça sera sûrement jamais une ZAD, mais il y a quand même l'exemple de la 45, enfin, les gens du collectif sont de plus en plus ouverts et à l'écoute de ce qui se fait ailleurs et pas loin. On a reçu ici les gens de la 45 avec la projection de l'intérêt général et moi, et donc ils ont pu voir aussi des gens qui se battent depuis 20 ans, qui ont tout fait, qui ont fait toutes les manifs, et qui sont en train aussi d'agrandir leur lutte avec notamment le dernier rassemblement là, qui s'est passé à Mornant, où il y avait 2000 personnes. Et ça, quand on leur dit ça, en fait, si on ouvre les revendications, si on sort de notre petit truc de village et qu'on transforme ça vraiment en revendication plutôt anticapitaliste. Et donc ça demande aussi d'avoir des discussions entre nous, parce qu'on n'est pas tous du tout d'accord, on n'est pas tous là pour les mêmes raisons. Mais on se rend bien compte que si on ouvre, on sera plus nombreux et on aura plus de... Donc je pense que là, on est un peu dans cette dynamique-là. Et la dernière action qui a eu lieu, c'est la première fois qu'on a fait un truc illégal, on va dire. On a bloqué la route, on s'est allongé sur la route pour bloquer les camions. Et ça a été super agréable de voir que tout le monde a joué le jeu, il n'y avait pas tellement de réticence à que va dire la gendarmerie, que va dire la police. Enfin, on a senti qu'il y avait une envie d'aller plus loin, quoi, d'arrêter avec les pétitions, tout ça, parce qu'on sait que ça. On a fait ça, maintenant il faut passer à la suite. Et je pense que ça sera ça la suite. Enfin, c'est ce que j'espère. Donc. En parallèle du tribunal administratif, donc après c'est à voir comment on jauge les deux dynamiques. Ouais, c'est assez rapide, ça va être proche. L'échéance, il va y avoir une phase d'accélération, le préfet va donner son avis très vite. Parce que du coup, à tout le monde attend, c'est un peu... du camion. On veut plus de camion. Plus d'avion dans la rue. Chaque carrière, on en veut. Ni dans la rue, ni dans la montagne. Chaque carrière, on en veut. Ni dans la rue, ni dans la montagne. Chaque carrière, on en veut. C'est ce qui s'appelle mettre le feu aux poudres. C'est quoi le morceau que vous voulez mettre dans la playlist? Enfin, moi, j'aime bien celle qu'on écoutait le jour. La chanson hongroise de ZX. Ah ouais. Je ne saurais pas dire le titre, parce que c'est hongrois. C'est Tom Cora et voilà, donc une première partie d'interview donc consacrée à la présentation de la lutte à Saint-Julien-Molamolette. Et du coup là on va passer à une seconde étape dans l'interview qui est donc, comme on l'a commencé à vite fait à l'aborder, l'élargissement de la lutte et notamment vers d'autres combats qui se mènent plus ou moins loin et quel rapport, quelle inspiration et tout ça et tout ça. Donc c'est parti pour la deuxième partie de l'interview. Et du coup vous parliez de la question de la 45 etc. Comment c'est quoi le lien, quel lien vous voyez entre ici, cette lutte ici à Saint-Julien et ce projet d'A45. Je peux répondre. Mmh. Dans un des arguments du carrier pour motiver le côté utilité publique dans l'extension dans son projet d'extension, en fait il donne l'argument de produire du granit bleu qui est nécessaire en fait pour la constitution du bitume et d'enrober de l'autoroute A45. Ok. Donc l'autoroute A45 est déclarée d'utilité publique. Ok. Et du coup on a un effet un peu cascade qui fait qu'un pic peut en cacher un autre, on a ce truc. Du coup la carrière en fait elle est déclarée d'utilité publique pour répondre aux besoins de l'A45. Ok. Ça c'est un peu... Je sais plus qui c'est qui faisait la blague que j'aimais bien, c'était... Peut-être que bientôt, on pourra déclarer d'utilité publique la fabrication des bennes qui transportent la pierre. Comme ça, tout le monde sera d'utilité publique et on n'aura plus rien à dire. Et je trouve qu'en plus, c'est pas loin. Donc on a deux luttes quasiment sur le même territoire, quelque chose près. C'est d'un côté l'autre du Pilat, ce qui se passe. Et voilà, ça paraît être une évidence d'essayer de tisser des liens entre ces groupes de gens qui s'opposent à ces projets complètement inutiles, parce que je pense, voilà, c'est ça. Pourquoi tu parles de projets inutiles? Parce que là, par exemple, les gens, ils sont pas contre qu'il y ait une carrière à Saint-Julien. Ils sont contre qu'il y ait une extension de cette carrière. Encore ce truc d'avoir les yeux plus gros que le ventre. On lui a reproché aussi un problème de gestion au carrier. Parce qu'on lui a dit, mais... La dernière extension qu'on t'a accordée, en fait, t'as mangé ton matériau trop vite. T'as eu les yeux plus gros que le ventre et tu t'es un peu goinfré de ce qu'on t'a laissé. Du coup, t'aurais dû gérer et diluer un peu plus dans le temps, comme ça t'aurais pu avoir ton activité maintenue. Et lui, non, il en a fait qu'à sa tête, il a demandé à tripler la production de cailloux quand il a fait une demande à la mairie pour le nouveau PLU. Et il a été jusqu'à demander une rocade. Ça, c'est complètement fou, quoi. C'est-à-dire que il y a un petit problème de nuisance avec le passage des camions dans le village, pas de problème, je vous fais une rocade autour du village pour que les camions ils contournent. Mais on est chez les fous, quoi. Le gars, c'est un mec qui a un business de cailloux, et il fait les routes, il aménage, il détruit, tranquille, quoi. Tu vois? Bah non, quoi, c'est pas possible, c'est inutile. On veut bien qu'il continue son activité, mais pas tout ça, quoi. Pas cette grande folie, je trouve, destructrice, quoi. C'est-à-dire, moi je suis apiculteur, c'est encore des hectares de ressources mellifères pour mes abeilles qui partent en cailloux, sous les pelleteuses. Voilà, quoi, c'est plein de raisons, je pense, aussi écologiques avec, je pense, plein de raisons. Autant d'espèces protégées que de gestion de l'écosystème ici, quoi. Et voilà, et la 45, c'est pareil, il y a déjà une autoroute. C'est-à-dire, ok, elle est peut-être dangereuse, elle est compliquée, machin, elle existe, je veux dire, les routes, elles sont là, on va pas en refaire, quoi. Donc c'est ça, les projets inutiles, pour moi, c'est... Pas besoin de plus, quoi, c'est la folie des grandeurs, à chaque fois, quoi. L'aéroport de Nantes, pareil, il y en a déjà un. Qu'est-ce qu'ils vont en faire un deuxième? Du coup, c'est les mêmes schémas, quoi, on est dans ces trucs-là. Je trouve. Comment... Par la suite, du coup, vu qu'on parle de la 45 et de Saint-Julien-Molamolette, comment vous imaginez des liens et des luttes, comment c'est rejoignable et comment vous imaginez que c'est possible dans le plus grand, les plus beaux de vos fantasmes? Bah, moi, vu que j'ai tendance à raconter ce qui marche pas, ouais. Par exemple, on n'était pas là à la Gueule Noire samedi dernier, et ça, c'est un peu des erreurs, mais ce que j'ai l'impression, c'est que nous, on a déjà un boulot à faire à l'intérieur du collectif pour ouvrir, parce que c'est comme si les personnes qui sont dans le collectif et qui se battent depuis soit 2 ans, soit 10 ans, soit 20 ans, ils sont quand même vraiment sur du local. Et qu'on est quelques-uns à graviter sur d'autres luttes et avoir un lien, mais c'est pas dit que... Enfin, on a d'abord ce travail-là à faire de lien. Donc soit c'est à nous, de notre propre initiative, à aller faire le lien, parce qu'on n'a pas encore commencé, soit c'est à l'intérieur du collectif de dire venez, on va là ensemble, venez, on va rencontrer un tel, ou faire venir les gens. Mais en fait, ça demande vraiment à ce qu'on s'y mette, mais pour l'instant, je peux pas dire qu'il y a vraiment une stratégie... mise en place, quoi. Enfin, on n'a rien programmé. Ah non, c'est sûr. On en parle beaucoup, surtout depuis la dernière action, en fait, où on a eu une grosse médiatisation. On a fait la première page du Progrès, tout ça. Et puis on a commencé à vraiment plus médiatiser sur les médias alternatifs de Lyon et Saint-Thé et tout ça. Donc là, on commence à un peu ouvrir et aussi à avoir des amis des villes autour qui sont au courant et qui se disent « Ah, mais tiens, pourquoi pas, je pourrais venir. » Mais c'est le tout début, quoi. Alors après, avec la 45, je sais pas comment on peut faire les... Pour l'instant, on a juste fait une émission de radio sur Radio d'ici qui parle de la 45, mais... Après, moi, ce que je peux imaginer, c'est un truc de comment on fait des trucs transversales comme ça, c'est juste faire ce qu'on sait faire, c'est communiquer. Bah, nous, on aime bien organiser des soirées de soutien. On parlait des fois de faire un infotour pour aller... C'est un peu les pratiques qu'on connaît et qu'on maîtrise un peu. Et nous, on peut aussi amener ça dans l'art de communiquer et par exemple, expliquer aux gens de la 45 qu'il y a aussi une micro-lutte qui démarre ici, là, sur cette histoire de carrière. Et que le lien, il est direct à cause de ce caillou, quoi. Et qu'est la montagne, tu vois, qu'on a tous les deux à défendre, tout ça, quoi. Et que dans l'autre sens aussi, les gens de la 45 puissent venir ici comme ils l'ont fait avec la projection du film là. C'était pas mal, c'était en partenariat avec Cinémolette, c'est une association du village, et qui a pris l'initiative d'inviter les gens de la 45 pour diffuser le film et proposer un débat, une discussion après. Donc tout ça, moi je trouve que c'est des choses qui font juste enfoncer le clou, et c'est l'art de communiquer qui fait que plus on va en parler. Et voilà, comme je sais pas, pourquoi pas imaginer, j'en sais rien moi. Un sticker commun entre la 45 et la carrière, tu vois, pour le voir un peu collé partout dans l'espace public, des choses comme ça, on pourrait imaginer des façons de rapprocher avec des clins d'œil, des trucs, de se dire ah, on a besoin de gens pour faire une grosse manif, ah super, ben, on peut faire aussi venir organiser des convoyages de gens d'un bout à l'autre depuis là, quoi, pour faire les choses ensemble, quoi. Ça, ce serait assez génial. Okay. Quand vous êtes arrivé sur Saint-Julien, est-ce que vous imaginiez mener ce genre de lutte, ou est-ce que ça vous surprend? Au début, moi, je sentais vraiment un peu un truc à l'époque, quand j'ai pris ma première adhésion à l'association Bien Vivre, j'ai vraiment senti que c'était une sorte de petite guerre privée entre quelques gens. Et là, ce qui s'est passé là depuis qui a eu spontanément 70 personnes à se retrouver en même temps, je me suis dit, ah, on transforme peut-être ça en une lutte collective, de la guerre privée en lutte collective. Et là, voilà, je me suis dit, ok, là, c'est maintenant. C'est là que ça vaut le coup de s'investir et de donner ce qu'on peut donner dans un truc pareil. Et voilà, ça fait ça, je crois, pour moi, en tous les cas. Moi, je suis pas surprise parce que, aussi, depuis que j'habite ici, enfin, j'habite ici depuis 2012, et ça correspond à peu près aussi avec l'émergence de Notre-Dame-des-Landes, enfin, même si ça avait commencé bien avant. Mais j'ai aussi l'impression que ça a permis de donner plus de place, plus de visibilité à plein de petites luttes comme ça, et plus de cohérence globale. Donc moi, je suis pas étonnée de me retrouver dans un truc comme ça, parce que je me sens faire partie d'un truc plus large. Et que ben, en fait, c'est pratique d'en avoir une chez soi, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la France. Et voilà, ça permet d'expérimenter et aussi de se servir de ce qu'ont fait les autres et de faire du lien et de s'inscrire. Pour moi, ce serait la plus grande ambition que j'aurais avec cette lutte, ce serait qu'on arrive à s'inscrire dans ce grand truc. Mais de là à dire qu'on va réussir à s'allier avec Roibon, Sivin, c'est la ZAD, on n'en est pas là, mais moi c'est pas ça qui me surprend, mais c'est ça qui me fait plaisir là-dedans. Voilà. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi, hein, c'est ça. Pour moi, c'est ce qu'on appelle créer de l'imaginaire. C'est ce que j'appelle créer de l'imaginaire politique quand on s'inspire de tous ces grandes luttes symboliques, quoi, Notre-Dame-des-Landes, Sivin, tout ça, là, c'est quand même ça qui permet de. Plus facilement, je sais pas, donner des ailes, quoi, pour arriver à se dire, ah, tenez, on essaye de faire ça ensemble, et contester de façon un peu forte, quoi, et je pense que ça m'a pas surpris, par contre, de me dire, ah, tiens, je pense que tous les gens qu'on a, il y a même des gens dans des réus qui ont dit, on fait une ZAD à Saint-Julien, quoi, Attention quoi. Ça va assez loin. Et bon, ça reste, je pense, pour pas mal de gens dans de l'ordre du fantasme, quoi. C'est ce truc un peu médiatique que ça peut renvoyer et tout. Voilà, dans l'imaginaire des gens. Mais en tous les cas, si on arrive à avoir. Moi je trouve que c'est quand même un super avantage. Un super, que cette lutte à Saint-Julien, elle décolle après le départ de la lutte de Notre-Dame-des-Landes, de Sivens, tout ça. Je pense avant. C'est relié. Ouais, ça aurait été avant. Avant 2012, par exemple, on aurait été beaucoup moins, ça aurait été beaucoup moins facile pour nous de prendre position, quoi, de façon comme ça. Et est-ce que par rapport à ça, il y a un truc, une question que je vous ai pas posée ou un truc que vous avez pas abordé que il vous semble important d'aborder dans les questions de. Moi, ce que je trouve dommage juste avec cette lutte, c'est que c'est pas que ça nous fait plaisir de lutter pour lutter. Enfin, si on pouvait se passer de ça, ce serait mieux. Et qu'avant qu'il y ait cette demande d'extension, il y avait déjà un mouvement, on va dire, citoyen, démocratie participative, limite municipalisme qui se développait. Et aux dernières municipales, en fait, il y a une liste qui s'est montée, qui a failli... l'emporter à peu, qui s'appelle Tissons l'avenir, et qui avait déjà pour projet de sortir en fait de la gestion municipale patriarcale et patronale et paternaliste et tout ce qu'on veut à l'ancienne, quoi, avec plein de nouveaux modes d'organisation, avec plus d'assemblées, avec plus de commissions, avec plus de participation de manière générale des gens à la vie du village. Et en fait, les personnes qui sont contre la carrière, c'est aussi ces personnes-là. Mmh. Et qu'en fait, même s'il n'y avait pas la carrière, on serait ensemble à faire autre chose et ça serait peut-être plus positif. Et en fait, on aimerait bien que ça se termine, cette histoire de carrière, pour pouvoir vraiment passer à dans la deuxième phase, qui est qu'est-ce qu'on fait de ce village pour qu'il soit plus agréable à vivre et qu'on puisse redévelopper des choses qui existaient dans les années 90, parce qu'à l'époque, la belle époque de Saint-Julien, c'était une salle de concert, beaucoup, beaucoup d'activités culturelles, des résidences, des... Bon, après, c'est pas que du culturel, hein, c'est aussi de la politique, des gens qui se rencontrent pour discuter, pour échanger, tout ça. Il y avait une université populaire du Pilat, enfin, il se passait des choses, et il y a plein, plein de choses qui sont mortes. Et voilà, en fait... vivement qu'on arrête de se rencontrer autour de cette histoire de carrière pour se rencontrer autour de choses plus positives, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Mais c'est pas la faute à la carrière, cette histoire du déclin un peu de la dynamique rurale qui est dans le village. Dynamique un peu hors norme quand même, hein, je trouve. Rurale ? Bah ouais, on est dans une dimension rurale ici. C'est quand même assez rare d'avoir des petits villages de 1200 habitants comme ça, où il y a autant... Moi, quand je suis arrivé il y a 10 ans, il y avait une patate dans le village. C'était assez génial, quoi, de voir ça. Et là, en vrai, c'est quand même la présence des néos qui ont vraiment investi le territoire et qui ont fait 80 voix de différence là entre les deux listes municipales. Fait que ça n'a pas basculé vers autre chose, quoi. Tout le village, là... en fait, je pense, depuis quand on regarde les élections, tout le monde, enfin je veux dire, le village vote à gauche quand même, donc l'électorat est à gauche. En vouloir aux gitans, saquer les associations, reconstruire un terrain de foot, sécuriser la messe de minuit avec les gendarmes avec des flingues, je sais pas, tous ces trucs-là un peu, vraiment, c'est quand même pas possible, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut que la roue elle tourne et que les choses elles passent autrement, quoi. Sinon, c'est vraiment eux qui sont responsables, quoi, leur politique. Parce qu'il y a aussi une lutte, on peut parler de ça, peut-être qu'il y a aussi une lutte interne dans le village avec la question des gens du voyage. Ouais. Il y a plusieurs familles qui tournent dans le village et... Dans le Pilat. Oui, mais vas-y, Claire, c'est mieux que moi pour ce sujet. Mais on parle de ça ou pas? Mais tu peux parler, moi j'ai vu du coup des gros blocs de pierre. Ouais. Oui, voilà, donc voilà. C'est rapport entre la carrière et les gitans, c'est les blocs de pierre. C'est des familles... qui vivent sur le Pilat depuis, je dirais toujours, mais ça veut rien dire, depuis très longtemps, et qu'on réussit à conserver un mode de vie nomade jusqu'à ces dernières années où ils ont eu de plus en plus d'empêchements de s'installer, donc avec les municipalités qui bloquent les terrains d'accès, enfin les espaces libres sur lesquels ils pouvaient se poser, comme ça, 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là. Donc en posant des gros cailloux et ben voilà, je sais pas quoi dire de plus. Qu'est-ce que... Ouais, c'est là toute la logique, une logique raciste quoi, dans ce village, je crois. Vraiment, oui. Avec cette façon de leur mettre des bâtons dans les roues en permanence, et de, la position du maire, c'était de répondre à, aux plaintes des riverains, quoi. Mmh. Et donc, par rapport à... C'était simplement ça, sa position politique, c'était, comprenez, j'ai des riverains qui se plaignent, du coup, je suis obligé d'envoyer les keufs, de mettre des cailloux, c'est quand même malade, quoi. Des trucs, je trouve. Ouais. Et donc, par rapport à ça, il y a eu une mobilisation qui s'est faite, ou comment ça s'est passé? Il y a eu, notamment par rapport à un parking sur lequel il venait souvent, qui est aussi proche du Saïver. Et donc oui, il y a eu une petite mobilisation. On a essayé d'empêcher le blocage du parking et le dépôt des cailloux. Donc ça, c'est en tout, c'est aussi 2 ans de courrier, rendez-vous, nanana. Et après, c'est l'action directe qui s'est faite, c'était de bloquer, d'empêcher les cailloux d'être posés. Mais après, au fur et à mesure, ils ont réussi, ils ont remblayé tout le parking. Ils ont posé une barrière limitative de 1,80 m, donc pour empêcher les caravanes, les camions, mais donc pas que pour les gitans, pour toutes les personnes qui vivent autrement, qui vivent en camion, qui ont besoin d'espace pour se poser quelques jours. Voilà. Donc il n'y a plus d'espace comme ça. Et il y a un collectif qui s'est monté qui s'appelle le Collectif pour les solutions concrètes et qui fait un gros lobbying auprès des mairies, qui fait de l'accompagnement du covoiturage pour les enfants pour les emmener au collège, qui fait de l'aide à la scolarité, qui cherche des solutions concrètes pour les aider à rester sur le territoire. Et parce qu'en fait, tout ce qui est fait, c'est juste tout fait pour les faire disparaître, en fait. Sauf que, à part les tuer, je vois pas... on peut pas faire disparaître des gens, en fait. Ils seront toujours là, et puis... On peut toujours les reléguer ailleurs, mais enfin, voilà. Donc, voilà, il y a un collectif qui les soutient pour rester sur le territoire. Yeah. Et donc, ben voilà, cette interview de personnes du collectif de lutte contre l'extension de la carrière à Saint-Julien-Molamolette. Ben voilà, en fait, cette discussion, et puis aussi ce que j'ai pu voir sur cette lutte, notamment sur le site de la radio locale du Pilat, Radio d'ici. Bref, en fait, toutes les problématiques qui sont abordées. Eh ben, ça a fait écho à une lecture d'une revue qui est sortie récemment qui s'appelle Nous n'attaque. Alors en fait, Nous n'attaque, c'est une revue d'histoire, culture et lutte des montagnes. Et en fait, c'est une revue à la base italienne qui existe depuis maintenant une dizaine d'années. Et là, ben, il y a eu un premier numéro, un numéro zéro, fait par des Français, enfin des personnes dans les Alpes, dans les Cévennes et puis en Ariège. Et en fait, dans ce journal, dans cette revue, il y a donc plein de textes sur des luttes et des questionnements qui sont portés par des gens issus du milieu montagnard, et plein d'interrogations entrecroisent ce qui se passe à Saint-Julien-Molamolette en haut du Pilat. Et du coup, je vais lire des extraits de l'édito du numéro 0 de la revue italienne Nous n'attaque. Et voilà, je pense que ça va vous parler, en tout cas j'espère. Nous voulons parler de nos montagnes parce que c'est là que nous voudrions vivre et où nous pouvons intervenir avec nos propositions et nos recherches, connaissant le territoire, les relations communautaires des populations qui y vivent et les cultures qui mettent en évidence des particularités. Ce que l'on voudrait stimuler, c'est les confrontations entre expériences et événements qui concernent les gens et les territoires montagneux de chaque partie de la planète. Dans ces années de longs cheminements et d'explorations sur les sentiers oubliés, nous avons développé l'idée de collecter des données et des témoignages, de faire de la recherche historique sur le rôle des montagnes vues comme une terre de résistance et de résidence pour les réfugiés et les bandits, les rebelles et les errants. Nous pensons que la montagne, par rapport à la destruction des espaces urbains et la désolation des campagnes monopolisées par l'agriculture industrielle, reste un espace de liberté relative. Un endroit où il est possible de vivre en expérimentant des formes d'autonomie et de sociabilité capables de nous délivrer du rythme imposé par le travail salarié et le consumérisme. Et nous avons réalisé qu'on ne peut pas proposer un autre monde sans en avoir expérimenté les caractéristiques, et que, en plus d'une critique de la société actuelle et de ses modes de production, doit être mise en pratique tout de suite les perspectives d'une autre existence. C'est pour cela que nous regardons avec intérêt ceux qui, dans les montagnes, cultivent un jardin potager, se chauffent par la combustion du bois, construisent une maison avec ce qui l'entoure, à travers des techniques accessibles et contrôlables par soi-même ou en petite communauté. Parce que seulement grâce à la réappropriation des savoirs, de l'artisanat, de la connaissance des matériaux et du territoire, nous pouvons nous rendre compte que nos possibilités, c'est-à-dire comment nous pouvons vivre autrement sans nécessairement être esclaves du supermarché et ses produits contaminés. Nous sommes convaincus que la montagne est une zone de frontière, où il est encore possible de trouver accueil et développer le conflit nécessaire pour se libérer de la domination et du soi-disant progrès, qui ont transformé nos vallées, détruit nos cultures, imposé laideur et désastre au nom du tourisme et des marchandises. Conscient cependant du fait que là aussi, d'une certaine façon, vous pouvez rencontrer le mécanisme de consommation, de production et de profit. Ici aussi prospère patriarcat, racisme et intolérance. Ici aussi est imprégnée la mentalité du travail comme seule fin de l'existence et bien d'autres caractéristiques négatives de notre société. C'est aussi pour ça que nous voulons récupérer ces aspects de la vie de montagne, qui sont plutôt proches de nos rêves et de sociétés sans exploitation, convaincus du fait que les petites collectivités seront mieux en mesure de développer des formes de solidarité et d'autogestion. À travers cette revue, nous chercherons à donner voix aux expériences actuelles, aux personnes et communautés qui s'emploient à faire vivre des lieux abandonnés depuis le boom économique des années 50 et 60, aux bergers et agriculteurs qui, par leur passion et leur présence, contribuent énormément à maintenir en vie la montagne et ses écosystèmes. Nous garderons un œil sur les minorités historiquement défavorables à la centralisation qui préservent encore leur langue et leurs coutumes, sur les expressions artistiques venant de la montagne et les artisans qui maintiennent actuellement leur savoir nécessaire à un avenir moins soumis aux grandes installations industrielles. Nous nous occuperons des expériences du passé, en fournissant textes et recherches sur les événements qui ont caractérisé les montagnes comme lieu de résistance. endroit qui, grâce à leur aspérité géographique, ont ralenti et entravé pendant des siècles l'avancée des armées, offrant refuge à des groupes de fugitifs et d'hérétiques. Il suffit de citer quelques exemples de mouvements comme ceux des Vaudois, survivant dans les montagnes piémontaises malgré la persécution des responsables de l'Église, ou comme la résistance partisane qui trouve dans les montagnes une maison et dans les montagnards de bons alliés pour la lutte contre la dictature. Et nous attacherons aussi de l'importance aux luttes qui continuent à se développer aujourd'hui, en défense des territoires de montagne et de la vie de ceux qui l'habitent. Même s'il est difficile de ne pas exprimer notre adversité pour les villes d'aujourd'hui, pour leurs grands centres de production et pour le système aliénant qu'elles génèrent, nous voulons éviter de glisser dans un conflit stérile ville-montagne. Nous faisant oublier en quelque sorte que certains aspects de notre façon de voir et d'affronter la réalité restent en étroite relation avec le milieu urbain, ou plutôt avec des luttes qui s'y développent. Les buts principaux de la revue devront donc être de créer un point de référence pour tous ceux qui, avec sincérité, sont intéressés à la défense des montagnes, de rendre possible des moments de confrontation et sur la nécessité de se défendre des attaques des seigneurs de la plaine, qui veulent réduire à la montagne à une couche de ciment et d'asphalte et faire des villes des lieux invivables. Précisément pour cela, l'instrument de communication n'est pas l'unique moyen dont nous avons besoin. Selon nous, il est important d'être présent sur le territoire, la participation aux initiatives déjà existantes et la motivation pour en relancer de nouvelles. Le contact direct entre ceux qui vivent la montagne et ceux qui tournent avec la montagne, leur intérêt et leur inspiration, reste l'un des moyens les plus efficaces pour faire comprendre quelles sont nos idées et nos propositions. Et ce contact pourra devenir la base pour s'organiser et lutter, là où les tentacules du progrès attaquent nos vallées en y aggravant les conditions de vie. Dans un monde désormais dominé par le profit et le contrôle, les montagnes témoignent de la résistance des hommes et des roches. Les roches qui ont entendu les halètements des contrebandiers, qui ont protégé les armes des rebelles, qui ont caché les bandes de brigands. Les roches qui ont encore beaucoup à raconter. Et c'est pour son passé ancré dans la résistance, pour ses caractéristiques géographiques, pour sa beauté et son charme, que nous privilégions la montagne comme un endroit pour développer nos projets. Ce qui ne signifie pas coudre un nouveau drapeau. Notre seul drapeau est celui de la révolte de la montagne à la mer. Joie, rage et courage. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Joie, rage et courage. Le courage, c'est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Joie, rage et courage. La rage, c'est le besoin ou le désir irrépressible de quelque chose. Et voilà, ce numéro de Joie, Rage et Courage de novembre 2016 se termine ainsi. On voudrait rappeler, donner un rendez-vous demain, mardi 29 novembre à 10h devant la mairie de Saint-Julien-Molamolette. Il y a une réunion du comité de suivi de la carrière. Et du coup, un rassemblement. Et on espère être nombreux devant, montrer notre opposition à cette carrière et soutenir cette lutte et bien d'autres qui retentissent dans les échos de cette colère. On voudrait remercier Radio D'ici pour tous les sons qu'on a écoutés et pris. Pour dire que c'est important d'entendre ces échos, notamment dans les radios locales. Et puis un gros merci à Claire et Alex pour leur disponibilité et pour la richesse des échanges qu'on a eus. Joie, rage et courage à vous, et joie, rage et courage à cette lutte. Certainement qu'elle sera liée également avec la lutte de la 45, dont on parlera le mois prochain, c'est le 26 décembre. Voilà. En attendant, rendez-vous dans la rue, dans la montagne, pour nous faire entendre et pas se laisser faire. Allez, joie, rage et courage à tous.